إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans la troisième partie de l'explication de cette conférence du Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri. Et le titre de cette conférence est « Wudouh al-manhaj wa atharuhu fi intishar al-da'wa » c'est-à-dire la clarté du manhaj et son effet sur la propagation de la da'wa. Et on a commencé maintenant à donner des exemples des sahaba et comment ils étaient clairs dans leur da'wa puisqu'ils ont appris leur manhaj, ils ont appris leur religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui leur a enseigné la clarté et d'être clair dans la da'wa, dans leur appel à l'islam et dans leur application de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il a donné des exemples de certains d'entre les sahaba, on a donné l'exemple de Abu Bakr radiyallahu anhu et de Omar, quelques exemples de ce genre. Et ensuite le cheikh il a parlé de d'autres sahaba et donc on va continuer l'explication et les exemples qu'il donne. Il dit وموقف عثمان رضي الله عنه واضح مع الخوارج لما خرجوا وأتوا وموقف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كذلك وموقف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه واضح جلي عندما أتى أصحاب الحلق وهو مواقفه كثيرة وله آثار جميلة جدا ولو يلتفت لهذا بعض طلاب العلم ويجمعون بعض الآثار التي أتت عن ابن مسعود رضي الله عنه في مواقفه الأثرية السنية في مواجهة أهل البدع ووضحوه في طرحه ووضوحه في طرحه فهي منهجية نبوية مباركة واضحة جلية في نفس الوقت يكون ردا على صاحب البدعة. Donc le cheikh il explique que la position de Uthman radiyallahu anhu aussi envers les khawarij lorsqu'ils sont sortis contre lui et lorsqu'ils sont venus à Médine, elle était claire, de même que la position de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu contre les khawarij également, c'était une position très claire, il les a combattus. Et également Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a eu lui aussi des positions très claires envers les gens de Bid'a à différentes occasions, et en particulier il y a une occasion qui a été mentionnée ou un événement qui s'était produit avec les gens qui s'étaient assis en cercle dans la mosquée pour compter les tasbihat et ils se réunissaient en cercle pour faire ça dans la mosquée, et donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a condamné ce qu'il faisait. Et le cheikh il dit que si certains tulab ilm justement réunissaient et rassemblaient les différentes paroles de Abdullah ibn Mas'ud et les différentes occasions dans lesquelles il a opposé les gens de bid'a, eh bien ce serait quelque chose de très bénéfique. Et il mentionne aussi comment on pourrait à partir de ça montrer sa clarté dans la façon de présenter la da'wa et la méthodologie prophétique qu'il a utilisée dans cette façon de faire. Et donc c'est une manière qui est bien entendu claire et bénite puisque c'est la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps c'est une réfutation pour les gens de bid'ah. Donc le cheikh il va mentionner cet exemple, qu'est-ce qui est arrivé avec Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu quand il est rentré dans la mosquée et qu'il a trouvé les gens en train de faire une bid'a. Hein? Et on va lire ensemble dans cet exemple que le cheikh il a mentionné. Il dit « Wa min dhalika ma hasala ma'a ashab al-hilaq » فلما أتاها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في الكوفة قال أما إني قد رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا قال ما ذاك قال قوم في المسجد كذا حلق يذكرون قال ألم تقل لهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن انظر هذا الطرح مع من مع خاصته وهو نفس الطرح طرحه مع من مع القوم وليس له كلام معه وكلام معهم لما أتاهم قال ألم تحسوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن نفس العبارة عبارتهم هي نفس العبارات أحكامهم هي نفس الأحكام وهذا يجعلني أتأمل فيما أتت به هيئة كبار العلماء في مسألة المظاهرات وهو حكم عام لجميع بلاد الدنيا ثم يأتي أصحاب التلون ويقولون لا في بلاد كذا أو في بلاد لا تجوز وفي بلاد تجوز تلون في الأحكام وهذا الفرق بين الوضوح وعدمه ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لهؤلاء والله لأنتم على ملة هذا بعد أن سألهم لأنه استشكل ما هم فيه من حيث الاجتماع فالأصل في الاجتماع في قول أبي موسى رضي الله عنه لابن مسعود قال إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا ما هو الأمر الذي أنكره وما هو الخير قال إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا خير من حيث أصل إيش الاجتماع والإنكار من حيث صفة الاجتماع فربما يكون عند صاحب الباطل أصل ولكن على غير الصفة المشروعة فيأتي شخص ويقول أدعو إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ويقول أنا أدعو إلى الله نعم أنت تدعو إلى الله ولكنك هذه دعوتك دعوة بدعية ما هي دعوة سنية دعوة ما هي بسنية Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qui est arrivé avec Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lorsqu'il a entendu parler des gens qui s'étaient assis en cercle parce que Abu Musa al-Ash'ari qui était le responsable de cette région, le dirigeant de cette région, il a vu des gens dans la mosquée qui étaient réunis en cercle. Et au milieu de chaque cercle, il y avait un homme qui comptait avec des pierres et qui disait aux gens, faites le tasbih 100 fois, faites le takbir 100 fois, faites le tahlil 100 fois, et ainsi de suite. Et les gens répétaient après lui les nombres de tasbih, les nombres de takbir, et ainsi de suite. Donc, Abu Musa al-Ash'ari est allé voir Abdullah ibn Mas'ud pour lui mentionner qu'est-ce qu'il avait vu. Il dit, j'ai vu quelque chose que j'ai condamné, quelque chose que j'ai trouvé comme étant mauvais. Mais je n'ai rien vu excepté du bien. Alors, Abdullah ibn Mas'ud a demandé, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu des gens dans la mosquée qui sont assis en cercle, ils font du zikr. Alors, Abdullah ibn Mas'ud a demandé, pourquoi je ne leur ai pas demandé de calculer ou de compter le nombre de leurs péchés au lieu de calculer leurs hasanat? Parce que leurs hasanat, elles sont garanties auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas besoin de craindre que Allah subhanahu wa ta'ala va en oublier quelques-unes ou bien va leur faire une injustice. Tandis que leurs péchés, ça c'est plus grave. Donc ils devraient plutôt compter leurs péchés que compter leurs tasbihat. Et puis après, qu'est-ce que le cheikh il dit à ce sujet-là? Il dit, regardez comment Abdullah ibn Mas'ud, il a été direct et clair. C'est-à-dire que la parole qu'il a mentionnée à Abu Musa al-Ash'ari, lorsqu'il était tout seul avec lui, c'est la même parole, exactement la même que ce que Abdullah ibn Mas'ud a mentionné à ces gens-là lorsqu'il est arrivé en face d'eux, devant eux. C'est-à-dire, il n'avait pas un discours ou un langage avec Abu Musa al-Ash'ari lorsqu'il était seul avec lui, puis un autre langage lorsqu'il est arrivé devant les gens qui faisaient cette bid'a. il a eu le même langage, le même discours devant les deux, en privé et en public devant les autres. Et donc ça c'est pour expliquer en réalité que yani, il a été clair dans sa façon de condamner et de présenter les questions qui ont rapport avec l'adoration et ainsi de suite. Sa parole avec Abu Moussa al-Ash'ari, c'était la même que celle qu'il a mentionnée avec les autres. Alors, lorsqu'il est arrivé devant eux, il leur a dit, pourquoi vous calculez pas vos péchés? Parce que, en ce qui concerne vos bonnes actions, je peux vous les garantir. Hein, elles sont garanties. Et donc, les mêmes expressions, les mêmes paroles, les mêmes règles, ça change pas d'une place à une autre. Hein? Et ça, il dit, ça me fait réfléchir et ça me fait méditer en même temps lorsque on a entendu la fatwa de Hay'at Kibar al-Ulama, du comité des grands savants, hein, lorsqu'ils ont fait la fatwa au sujet des manifestations et qu'ils ont mentionné que c'était haram. Et donc, ils ont mentionné cette fatwa qui était une fatwa générale pour tous les pays et pour expliquer que les manifestations sont contraires à l'islam et que ça vient des kuffars et que c'est une imitation des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est interdit pour les musulmans de faire des manifestations peu importe le pays où ils sont, hein. Et donc tu vois des gens qui arrivent parmi les gens qui veulent essayer de changer de couleur selon les intérêts ou selon les passions qu'ils ont, et donc ils commencent à dire non, mais dans un pays c'est permis et dans l'autre pays c'est pas permis. Ils essaient de faire des nuances ou de changer les verdicts selon l'endroit. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle at-talawun. C'est de changer de couleur pour faire plaisir à des individus ou bien pour changer selon l'endroit ou le contexte, selon tes passions. Et c'est ça la différence entre le fait d'être clair dans notre da'wah et le fait de ne pas être clair. Hein? Et donc lorsque Abdullah ibn Mas'ud est arrivé devant ces gens-là, il leur a dit quoi? Il leur a dit, je vous jure par Allah, que soit que vous êtes sur une voie qui est mieux ou meilleure que celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Hein? Soit que vous êtes sur une guidance meilleure que celle des sahaba, hein? Et ça c'est impossible, ou bien que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Et ça c'est après qu'il leur ait demandé, hein? Ça, c'est après qu'il leur ait demandé au sujet de la raison pour laquelle ils font cette chose-là, qu'est-ce qui les amène à faire ça, et aussi la question du fait d'être réunis, parce que on voit que Abu Moussa al-Ash'ari, quand il est venu voir Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, j'ai vu une chose que j'ai condamnée ou que j'ai considérée comme étant munkar, comme étant mauvaise, mais en même temps je n'ai rien vu que du bien, c'est-à-dire je n'ai vu que du bien. Hein? Donc il a vu une chose qu'il a considérée mauvaise, mais il dit après, mais je n'ai vu que du bien. Donc quelle était cette chose qu'il a vue, qu'il a trouvée mauvaise, et quelle était la chose qu'il a trouvée que c'était du bien? Eh bien le cheikh il explique, il dit, qu'est-ce qu'il a vu de bien? C'était la base de la chose, c'est-à-dire le fait d'être réunis. Ça c'est quelque chose de bien. Mais la chose qu'ils faisaient, la façon dont ils étaient réunis, et la façon dont ils faisaient le dhikr, c'est ça qui était mauvais. Hein? Donc ça c'est ce qui prouve que, il se peut que quelqu'un qui est sur la fausseté fasse quelque chose qui à la base est quelque chose qui est légiféré en islam, mais la manière dont il fait cette chose-là fait en sorte que cette chose-là ne soit pas en accord avec la législation islamique ou en accord avec la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux t'asseoir et faire du zikr, mais si tu commences à faire un zikr avec des danses ou avec des chants ou en tournant sur place ou bien en faisant des mouvements ou en disant des sons ou des choses de ce genre comme les soufines, eh bien c'est pas légiféré dans ce cas-là, c'est pas un zikr que tu es en train de faire, même si à la base tu es en train de prétendre de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des manières de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la façon dont tu fais le dhikr, ça doit être selon la méthode et la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, hein, radiyallahu anhum. Mais si tu veux ramener une nouvelle façon de faire le dhikr, tu veux faire des danses, tu veux faire des mouvements, tu veux faire des chansons, tu veux faire des tourner en rond ou d'autres trucs, Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec la sunna, et ça s'appelle pas du zikr dans ce cas-là. Donc, peut-être qu'à la base, tu veux faire du zikr, mais la façon dont tu le fais, ça fait en sorte que, qu'est-ce que tu fais, c'est pas accepté comme étant du zikr. Hein? Et donc, le cheikh, il explique, il dit, tu vois aujourd'hui quelqu'un qui arrive, qui dit, oui, je fais la da'wa à Allah, j'invite les gens à Allah, et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh, il dit, oui, c'est vrai, tu fais une da'wa, mais ta da'wa, elle n'est pas sunniya. C'est-à-dire, ta da'wa, elle n'est pas une da'wa vers la sunna. Tu n'es pas en train d'appeler vers la sunna, tu n'es pas en train d'appeler vers يعني l'exemple de ce que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de suivre. Il dit نعم أنت تدعو ولكنك هذه دعوتك دعوة بدعية ما هي بدعوة سنية دعوتك ما هي بسنية دعوتك إما ياسوية أو بناوية أو سرورية أو ما وقعوا فيه الآن مما أفسدوا به الشباب حتى أضلوا كثير وحرفوهم عن منهاج النبوة بماذا؟ بدعوى أن هذا ما يوافق لغة العصر فوقعوا تحت الضغط الواقع أو تحت ضغط الواقع بما يسمونه بفقه الواقع فدعوته صلى الله عليه وسلم دعوة واضحة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم استفادوا فيقول ابن مسعود رضي الله عنه لأصحاب الحلق ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله فلما قالوا بهذا وهو يعني فلما قالوا بهذا هو يعرف الذكر ويعرف الأصل في الاجتماع ولكن هذا خلاف هذا الوصف وهم يقولون كبروا 100 وعندهم حصى فقال ابن مسعود رضي الله عنه والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة ليس هناك حل ثالث الوضوح واضح وهذا الوضوح ليس هناك ألوان رمادية الوضوح واضح سنة أو بدعة توحيد أو شرك طاعة أو معصية استقامة أو انحراف. Donc le cheikh il explique ensuite. Il dit donc oui, c'est vrai, tu appelles, mais tu n'appelles pas à la sunna. Ta da'wa, elle n'est pas sunniya, comme on a dit, elle n'est pas salafiya, hein, et elle est soit une da'wa yasawiya, hein, elle est soit une da'wa banna'iya, c'est-à-dire ceux qui appellent par exemple à la voix de Hassan al-Banna, ou de Mohamed Sourour, ou de n'importe quelle autre personne, hein, yasawiya, c'est-à-dire Mohamed Elias Al-Kandahlawi, hein, la voix des Ikhwan, des Tablir, hein, ou bien d'autres voix parmi les voix de Bid'a. Et allez, c'est ça qui se passe. Les gens, ils appellent pas à la Sunna, ils appellent pas à la Salafiyya, ils appellent à des groupes, ils appellent à des tendances. Hein. Et des fois, il y a des gens qui veulent justement écarter le fait d'appeler à la Sunna, ils veulent pas appeler à quelque chose de clair. Ils veulent justement rester dans qu'est-ce qui est flou, qu'est-ce qui est vague, justement pour pas se faire classer ou étiqueter. Et quand ils parlent, ils disent, moi je suis pas salafi, je suis pas soufi, je suis pas ikhwan, je suis pas tablir, je suis pas, yani, je suis pas chien, je suis pas ci, je suis pas ça. Il est rien. Yani, ça c'est, le comble de l'ambiguïté. Hein. Et ça, si t'es rien, ça veut dire quoi? Allahul Musta'an. Il faut que tu sois clair dans ta da'wa. Il ne faut pas que tu hésites dans la façon de te décrire en premier, et de dire que tu suis le Coran et que tu la sunna et la compréhension des salaf salih. Et que tu, non seulement le dises avec la bouche, mais que tu confirmes ces choses-là par tes paroles et par tes actions, par la suite. Hein? Et que ta da'wa soit quelque chose qui prouve que la chose à quoi tu appelles, c'est la salafiyya. Parce que tu concentres ta da'wa sur l'explication du tawhid. Et l'enseignement du tawhid aux musulmans. Tu ne commences pas par d'autres choses que ça. Et que tu expliques aux gens le danger des innovations et des bid'ahs. Et ainsi de suite. Tu expliques aux gens les règles de fiqh selon la sunna. Hein? Pas juste de suivre aveuglément qu'est-ce qui est enseigné dans une école. Et puis tu dis aux gens, accrochez-vous aveuglément à ça, même si c'est contraire à la preuve de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Tu ramènes les gens à la sunna dans tous les aspects de la religion. Hein? Donc, comme on a expliqué, qu'est-ce que le cheikh il dit, c'est exactement qu'est-ce qu'il est en train de clarifier maintenant. Donc, Le cheikh, il dit, quelle était la chose qu'il a approuvée, quelle était la chose qu'il a condamnée? La chose qu'il a approuvée, c'était le fait de se réunir. La chose qu'il a condamnée, c'est la façon dont ils faisaient leur zikr. Donc, ta da'wa, c'est une da'wa qui doit être en accord avec la sunna, et non pas une da'wa qui est juste pour satisfaire qu'est-ce que les gens veulent entendre, faire plaisir aux gens, comme c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend, les gens? Les gens, ils veulent sortir dans la rue, ils veulent faire des manifestations. Il y en a des catégories de du'at, c'est des du'at de la masse. C'est ça qu'on a remarqué maintenant. Les gens, depuis longtemps, on disait aux gens, ces gens-là, c'est pas des salafis. Faites attention. Ils appellent pas à la sunna. Quand les événements sont arrivés, là, on a su vraiment que c'était pas des salafis, parce que les choses sont devenues claires. On a vu qu'ils ont opposé tous les grands ulama. Hein? Le consensus des ulama, ils les ont contredits. Sur les questions de manifestation et autres. Hein? Et eux, ils font des fatwas, pourquoi? Parce qu'ils passent à la télévision, ils veulent se faire entendre, se faire aimer par la masse. Et s'ils disent à la masse, c'est pas permis ce que vous faites, la masse va commencer à les insulter, la masse va commencer à les traiter de noms, et eux, c'est pas ça ce qu'ils veulent. Ils veulent augmenter les codes d'écoute, ils veulent augmenter leur popularité, ils veulent que les gens les applaudissent, et ils leur lancent des roses et des éloges. Alors, ils vont mentir sur la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et déformer le verdict du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Pour que les gens les aiment, pour que les gens les applaudissent, pour qu'ils deviennent des vedettes. Et c'est ça qu'ils veulent. Nasallallahu ala afiyah. Tandis que le salafi, celui qui est sunni et qui appelle à la Sunna, il ne cherche pas les applaudissements de personne. Il ne cherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il parle de la religion d'Allah, il donne le verdict d'Allah pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour plaire à personne d'autre. Hein? Donc c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Il dit qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui de ceux qui ont corrompu les jeunes et qui les ont égarés et qui les ont fait dévier du manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Avec les prétentions qu'ils amènent du fait de vouloir utiliser le langage contemporain pour faire... Hein? Plaisir aux gens, et parce qu'ils disent qu'ils sont contraints, ils sont sous la pression de l'actualité, la pression de qu'est-ce qui se passe, et qu'ils pensent qu'ils ont une meilleure compréhension de la réalité de celle, par rapport à celle des ulama. Donc, le cheikh, il dit que la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une da'wa claire, et celle des sahaba, elle était claire aussi, puisqu'ils ont profité des sahaba, et on voit qu'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il s'adresse aux gens qui ont fait ces cercles dans la mosquée, et il leur demande, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le zikr. Alors, il sait, Abdullah ibn Mas'ud, il sait ce que c'est le zikr. Hein? Et il connaît la base du fait de se réunir. Et il sait que cette façon dont ils sont en train de se réunir et la façon dont ils sont en train de faire ce qu'ils font, c'est contraire à la sunna. Ils sont en train de s'asseoir entre eux et celui qui est au milieu, il dit « Kabbiru mi'a » dites 100 fois « Allahu Akbar ». Et là, il commence à compter avec les roches, avec les pierres, les petites pierres. Il calcule 100 fois. Hein? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100 fois comme ça. Après, quand il a fini, il dit, hein, il y a d'autres formes de tasbih ou d'autres formes de azkar, et il calcule à chaque fois avec les pierres. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, comme j'ai dit tout à l'heure, il leur a dit, par Allah, je jure que vous êtes sur une guidance meilleure que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, l'autre possibilité, c'est quoi? C'est que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Vous n'avez que ces deux choix-là. Et les deux choix sont mauvais. Hein? Les deux choix, c'est des choix d'égarement. C'est des possibilités. Les deux sont des égarements. Parce que si tu dis que tu as une guidance meilleure que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu as quitté la foi. Tu n'es pas musulman dans ce cas-là. Et si tu dis que tu es en train d'ouvrir une porte vers l'égarement, eh bien ça c'est aussi quelque chose de grave. Hein? C'est quelque chose qui t'amène à l'égarement. Donc, il n'y a pas une troisième possibilité. C'est soit celle-là ou l'autre. On voit que c'est une chose qui est une parole qui est claire. Hein? C'est ça la clarté dans la da'wa. On voit qu'il n'y a pas de zone grise entre les deux. C'est soit une sunna ou une bid'a. C'est soit tawhid ou shirk. C'est soit obéissance ou désobéissance. C'est soit être sur le droit chemin ou sur la déviation. وليس في جي وليس في وجهة في وجهة يقول أريدها على منهاج النبوة ووجهة أخرى يقول لا نريد أن نجعل بعض الضلالات أنها حسنة لا يمكن لا يمكن أن تكون الضلالة حسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلذلك سمى هذه بدعة وكل بدعة ضلالة فلا يأتي شخص يقول لا هذه بدعة ليست ضلالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة فيأتي شخص ويقول لا هذه بدعة ليست ضلالة كل البدع ضلالات وكل ضلالة من حيث الحكم في النار فانتبه يا عبد الله Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que on peut pas dire comme certains, il dit d'un point de vue c'est en accord avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'autre point de vue ce ne l'est pas. Hein? Comme ceux qui veulent essayer de nous dire que il y a des égarements qui sont bonnes. Le cheikh il dit, il n'est pas possible qu'il y ait des égarements qui soient bonnes. Il dit, toute innovation, toute chose inventée dans la religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, toute chose inventée dans la religion, c'est un égarement. Alors, et tout égarement, toute bid'a est un égarement, et tout égarement mène au feu. Donc, ça a été appelé bid'a. Et donc, toute bid'a est un égarement. Quelqu'un t'arrive par la suite, il te dit, non, cette bid'a, c'est pas un égarement. Le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, ça c'est un égarement, et quelqu'un vient te dire, non, ça c'est pas un égarement, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, alors ça c'est quelqu'un qui se pense meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense qu'il connaît mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la religion, hein, depuis que quelque chose est une invention dans la religion, c'est un égarement. Donc si quelqu'un vient te dire le contraire, il contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il prétend qu'il connaît mieux la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, toutes les bid'a sans exception, il n'y a pas d'exception là-dedans, elles sont toutes des égarements. Elles sont toutes des égarements et elles ont toutes le verdict d'être dans l'enfer. Alors fais attention aux serviteurs d'Allah. Parce qu'il y a des gens de Shubuhat qui viennent avec des innovations et qui disent « Non, celle-là, elle n'est pas une bid'a, elle n'est pas une égarement. » Et si tu ouvres la porte à ça et de dire que certaines bid'a ne sont pas des égarements, alors là, ça ouvre la porte à toutes les autres bid'a. Parce qu'on va te demander par la suite « Où est-ce qu'elle est la limite ?» Si cette bid'a-là, elle n'est pas une égarement, et que qu'est-ce qui fait que les autres sont des égarements et pas celle-là ? Si on en accepte une, mais qu'on dit qu'elle, elle n'est pas un égarement, sans preuve du Coran et de la Sunna, hein, alors ça veut dire qu'on est obligé d'accepter toutes les autres par la suite. Et donc on ne sera plus jamais capable d'interdire quelque chose parce que c'est une innovation ou une invention, quelque chose de nouveau dans la religion. Et c'est pour ça que toutes les inventions dans la religion sont des bid'ah. Hein. Et si ces gens-là, ils viennent, ils disent non, celle-là, elle n'est pas dalala, elle est Hassana. Eh bien, il faut qu'il se base sur quoi pour dire qu'elle est Hassana ou non? Il faut qu'il ait une preuve. Il faut qu'il ait une preuve, et cette preuve doit venir de la charia. Hein? Donc, tout ça pour dire, toute innovation dans la religion, elle est une égarement. Et tout égarement amène à l'enfer, comme le cheikh l'explique, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith. Donc, le cheikh, il dit, فَقَالَ لَهُمْ وهذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى دليل قرب عهد النبوة وهؤلاء صحابته متوافرون إذن الكتاب والسنة على هدي من على هدي الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان من المهاجرين والأنصار ومن السابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء مزكى طريقهم ولهذا أو لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الضلال وأهل الانحراف ماذا قال فيهم قال المقولة العظيمة التي تبين لكل منحرف عن السنة النبوية أنه ضال عنها. فماذا قال؟ قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. فما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن المنحرفين الضالين الذين قد خرجوا عن الجادة، بل قالوا من هي يا رسول الله؟ أرادوا معرفة الحق واتباعه. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنا التمييز، هنا الوضوح، ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم. أي يوم؟ ذلك اليوم، إسلام ذلك اليوم. أما إسلام اليوم فيه فرق وبدع وضلالات، فإسلام ذلك اليوم الوضوح ودعوة، والدعوة الواضحة لما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc le cheikh il continue donc et il dit que Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه il a dit à ces individus qui faisaient ces actes dans la mosquée, ces bid'a, regardez, voici encore le contenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait, il n'est pas cassé encore. Et regardez, ça c'est ses vêtements qui ne sont pas encore usés, détruits. C'est la preuve qu'on est proche de l'époque encore du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit ensuite, et regardez, les sahabas, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore présents et nombreux. Et ils sont partout, disponibles, accessibles. Vous pouvez aller leur poser des questions, leur demander sur la religion. Donc, on doit prendre notre compréhension du Coran et de la Sunna selon la guidance de qui ? La guidance des Sahaba et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Parmi les Muhajirin et parmi les Ansar et ceux qui ont précédé, parmi les premiers croyants. On doit suivre ceux-là parce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset saint. Dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa recommandation pour ces gens-là et il a fait l'éloge de ces gens-là. Donc ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala il a garanti qu'il est satisfait d'eux. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné les gens de l'égarement, lorsqu'il a mentionné les gens de la déviation, qu'est-ce qu'il a dit à leur sujet ? Il a dit cette grande parole qui clarifie à chaque personne qui est en dehors de la sunna ou qui a dévié de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est égaré de la sunna. Et il a dit quoi ? Il a dit, et cette umma va se diviser en 73 sectes et elles seront toutes dans l'enfer. Et les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont entendu ça? Est-ce qu'ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui expliquer ou de leur expliquer les voies d'égarement et les voies de ceux qui avaient dévié de la sunna? Et est-ce qu'ils ont demandé, explique-nous ces différents groupes qui vont être dans le feu, quels groupes ils sont? C'est pas ça qu'ils ont demandé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils seront tous en enfer excepté un. Excepté un groupe. Alors, ils ont demandé au sujet de ce groupe-là, ce groupe qui va être sauvé, qui va être au paradis. C'est quel groupe? Parce qu'ils veulent faire partie de ce groupe-là. Donc, ils posent la question. Ils veulent savoir la vérité et suivre la vérité. Alors, ils demandent au sujet de la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond en disant, c'est ceux qui sont sur ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et donc, c'est ça la distinction, c'est ça la clarté. De dire que tu suis ce que suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire aujourd'hui, à leur époque, c'est-à-dire à leur époque et non pas aujourd'hui, à notre époque. Parce que l'islam d'aujourd'hui, il contient toutes sortes de sectes, toutes sortes de divisions, toutes sortes d'innovations, toutes sortes de groupes. Tandis que l'islam de leur époque, à l'époque des Sahaba, il était clair. C'était une da'wa claire et les Sahaba étaient tous unis sur la même aqidah, le même manhaj. Et c'est l'islam donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam que suivaient les sahaba radiallahu anhum. C'est seulement ça l'islam, c'est ça le vrai islam. Tout autre islam que celui-là, c'est pas le vrai. C'est une déformation, c'est une déviation de la, du vrai islam. Et le cheikh il dit فانظر لنفسك انظر لعقيدتك انظر لعبادتك انظر لأخلاقك انظر لمعاملتك انظر لسلوكك هذا الوضوح. الوضوح مطلب مع نفسك مع ربك مع أهلك مع زوجك مع الناس في تعاملك. الواضح واضح. ولذلك لم يتعبوا أهل الوضوح، لم يتعبوا أهل الوضوح لأن المخالف يعرفهم، أما غيرهم أصبحوا مطية لربما ركبوا لقضاء بعض المآرب لأنهم ليسوا واضحين. أما الواضح حتى لو أتى المخالف لوجدته في ذلك المجلس طرحه طرح واضح لا يهاب إلا أن ينتقد في ذلك المجلس. لماذا؟ لأن الحق له هيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذلة والسراء والصغار على من خالف أمري. ومفهوم المخالفة لذلك العز والتمكين لمن وافق أمري. Donc le cheikh il dit regarde en toi-même, regarde ta aqida, regarde ton adoration, regarde ton comportement, regarde ton interaction avec les autres, regarde ta façon d'agir, ta manière, ton adoration et ainsi de suite. Est-ce que c'est comme ça la clarté? Hein? Est-ce que c'est ça? C'est comme ça que tu dois être clair dans tous tes aspects de ta religion. Tu dois être sur le même exemple que l'exemple des sahaba, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc yani, le fait d'être clair dans ta religion, c'est quelque chose qui doit être un objectif pour toi, avec toi-même, avec ton Seigneur, avec ta famille, avec ton épouse, avec ton une femme, avec son mari, et ainsi de suite, et avec tous les gens avec qui tu as une interaction. Tu dois être clair. Et la clarté, elle est claire. Et c'est pour ça que, yani, on se fatigue pas avec les gens qui sont clairs. Hein? On se fatigue pas avec les gens qui sont clairs. Et même ceux qui sont en opposition avec la vérité, ils les reconnaissent tout de suite. Et ils savent qui ils sont quand ils les entendent. Hein? C'est clair. Quand quelqu'un est sur la sunna, tu le reconnais tout de suite. Depuis qu'il parle, yani, les premiers mots qu'il dit, tu vas savoir tout de suite qu'il est sur la sunna. Parce qu'il joue pas, il tourne pas en rond. Hein? Des fois, tu vas t'asseoir dans une khutbah de Jumu'ah, tu t'écoutes l'imam qui parle, à la fin de la khutbah, tu te dis, mais j'ai rien compris, de qu'est-ce qu'il parle? Hein? Tu sais même pas, c'était quoi son objectif, c'était quoi son but, qu'est-ce qu'il voulait faire, à quoi il appelle? Il n'y a rien qui relie d'un vendredi à l'autre, tu sais pas où est-ce qu'il s'en va, tu sais pas c'est quoi la voie qu'il suit. Hein? Parce qu'il n'est pas clair. Hein? Tandis que la personne qui est sur la sunna, il est clair. Et tu sais où il va, tu sais d'où il vient, tu sais parce que il suit l'exemple des salaf salih. Hein? Tandis que les autres, eh bien, parfois ils se laissent amener dans certaines voies, yani, parce qu'ils ont des objectifs ou des buts à qu'ils veulent, yani, obtenir, ou des choses qu'ils veulent faire. Parce qu'ils ne sont pas clairs, ils se laissent monter, yani, par la vague. Hein? Se laisse prendre par la vague. Et lorsque quelqu'un vient, parfois même quand il n'est pas sur la clarté, il est devant des gens, il va avoir un langage clair parce qu'il a peur de se faire critiquer. Il change lorsqu'il est en leur présence. Pourquoi? Parce que la vérité, elle inspire son respect. Hein? Et la personne, quand elle est devant la vérité ou les gens qui sont sur la sunna, elle lui inspire le respect. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ça justement, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a humilié et rabaissé toute personne qui contredit le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? On a mis l'humiliation et on a rabaissé toute personne qui contredit mon ordre. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? C'est que celui qui est en accord avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève et lui donne la puissance et l'honneur et le respect. Hein? Donc ça c'est pour comprendre par rapport au fait d'être sur la vérité, sur la clarté, et qu'est-ce que ça ramène comme bienfait dans la religion. فتجده كذلك في طرحه وعندما ينصرف تجد منه ما تجد وإياك والجليس فبعضهم غير أنيس ولربما يقضي مآرب ويفعل ما يفعل ولذلك تأتي الفتن وتأتي الأحداث فيزل فيه الأحداث ويثبت فيها الأثبات فيدعون الناس إلى ما عليه الشرع لا إلى لغة الشوارع ويدعون الناس إلى شرع الله أما الشوارع فقد حصل فيها ما سمعتم الآن في العالم الإسلامي عجيب تلك الشعارات التي تردد لم تسمع رضبة لله ولا لأمر الله ولا لتوحيد الله ولا لإقامته وإنما بكاء على ما يسمونه بالليبرالية والعلمانية والديمقراطية وزعم الحرية ولذلك هذه دعوات لا وضوح فيها. Donc le cheikh il explique que يعني tu vois des gens يعني qui sont pas clairs dans leur méthodologie, alors faites attention à qui vous avec qui vous vous asseyez, hein, parce que parfois vous voyez des gens, vous vous asseyez avec eux et puis yani vous pouvez être mal influencé par ces gens-là. Et il y a des gens, comme on a dit tout à l'heure, ils vont selon leurs intérêts dans la da'wa et dans l'islam. Faites attention à ces gens-là. Il y a des gens, quand les fitanes arrivent, tu vois, ils glissent. Les gens faibles d'esprit, les gens faibles dans leur religion, quand il y a une fitna qui arrive, quand elle s'approche, ils ne sont pas capables de rester fermes. Ils ne sont pas capables de rester stables. Hein, et ils tombent. Tandis que les gens qui sont fermes et qui sont sur la sunna, ils invitent les gens à s'accrocher à la sharia d'Allah et à rester fermes sur la sharia d'Allah et non pas sur la, à utiliser le langage de la rue hein, et à suivre qu'est-ce que la rue demande, comme on a dit tout à l'heure par rapport à la masse. Hein. Ils n'appellent pas les gens à suivre qu'est-ce que la rue demande, mais qu'est-ce que la sharia d'Allah demande. Et en arabe, shar et shari', c'est proche, hein. Shar, c'est la révélation d'Allah, c'est la religion d'Allah. Et shari', c'est la rue, qu'est-ce qu'on utilise comme le chemin. Donc il dit écoutez le shar et non pas le shari'. Il fait comme un jeu de mots en même temps pour faire comprendre qu'il ne faut pas mélanger les deux. Il y en a qui ont mélangé les deux aujourd'hui. Ils ont écouté la rue au lieu d'écouter la sharia. Allahul Musta'an. Hein? Donc, yani, regardez qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde musulman et vous allez comprendre avec la qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé yani, en Égypte, en Libye, après en Syrie, au Yémen et dans tous les autres pays. Vous voyez que qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Les gens s'écartent. Hein, au lieu de suivre la sharia d'Allah, ils suivent la rue. Allah musta'an. Et il dit, c'est étonnant, en même temps, qu'est-ce que tu entends comme slogans qui sont répétés par les gens dans ces endroits-là. Et subhanallah, tu n'entends personne qui se fâche pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'ordre d'Allah et pour son commandement, ou pour le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que le tawhid d'Allah soit établi, et pour qu'on enraye le shirk et qu'on combatte le shirk. On n'entend rien de ça. Tout ce qu'on entend, c'est des gens qui pleurent pour qu'est-ce qu'ils appellent, hein, le libéralisme. Et la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme et des trucs de ce genre. Ou la liberté. Hein, ils ont vu la liberté, ainsi de suite. Et c'est ça qu'ils appellent aujourd'hui. C'est ça qu'ils demandent. Donc, aucune clarté. Aucune clarté dans leur da'wa. وَهَذَا إِنَّ شَأْنَ الْوُضُوحِ مُهِمٌ جِدًّا فَهُوَ يَسْهُلُ الْإِنْتِشَارَ الدَّعْوَى ثُمَّ الْوُضُوحِ لَا يَجْعَلُ الْمُخَالِفِ يَخْتَلِطْ بِهَذَا الطَّرْحِ لأنه يعلم أنه ليس نفسه فلو أتيت إلى ذلك الرافض فقل هل أنت سني؟ لقال لا. ولو أتيت إلى البدعي فقل هل أنت سلفي؟ لقال لا. لا يستطيع أن ينتمي للحق. وإذا قلنا السلفية نعني الإسلام، نعني ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الإسلام إلى يوم الناس هذا. هذا الذي نقصده، هو الإسلام بشموله ووضوحه في كل شيء. دعوتهم واضحة بيضاء نقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالثبات الثبات على من منهاج النبوة، فهو عنوان السلامة، الثبات الثبات والاستقامة، وإياك والتلون في الدين. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذنك للشيخ إلزي que la question de la clarté, c'est une question très importante et elle facilite la propagation de la da'wah. Elle facilite la propagation de la da'wah et elle fait en sorte que la personne qui s'oppose à la sunna est plus capable de mélanger les choses par la suite, parce que les choses sont claires, hein, les choses sont à leur place, hein, parce qu'il sait, hein, où est-ce qu'elle est, yani, la vérité et la sunna. Lorsque tu vas voir un rafidi, tu lui demandes, un shi'i, rafidi, tu lui demandes, est-ce que tu es sunni? Il va dire non. Et si tu vas à un bid'a, une personne qui est sur la bid'a, n'importe quelle bid'a, tu lui demandes, est-ce que tu es salafi? Il va dire non. Hein? Ils ne peuvent pas s'apparenter ou prétendre appartenir à la vérité. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils savent qu'ils sont loin de cette salafiyya. Ils savent qu'ils n'ont pas de preuves pour s'apparenter à la salafia et s'apparenter au salaf al-salih. Ils ne peuvent pas prétendre être sur la salafia, et même s'ils essaient de le faire, ils ne sont pas capables de le supporter par les preuves. Hein? Puisque les preuves sont contre ce qu'ils font et contre ce qu'ils prétendent. Donc, et lorsqu'on dit la salafia, comme on l'a dit au début, on veut dire l'islam. On veut dire ce que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la salafiyya. On veut dire ce que suivait Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali radiallahu anhum. On veut dire ce que suivaient les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu anhum wa ardahum. Et tous ceux qui les ont suivis de la meilleure manière parmi les imams de l'islam jusqu'à notre époque. C'est ça la salafiyya. C'est ça qu'on veut dire par la salafiyya et c'est ça l'islam dans toute sa clarté. Hein? Dans toute sa clarté. Et dans toute son entièreté. Qu'est-ce que ça comprend de façon complète, hein, dans toute chose. Et c'est une da'wah qui est claire et qui est éclatante et brillante, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit en disant je vous ai laissé sur une voie qui est éclatante et blanche de clarté. Hein. Sa nuit est aussi claire que son jour. Et personne ne s'en écarte excepté celui qui périt. Ensuite, le cheikh il dit فالثبات donc restez ferme, je vous incite à rester ferme sur la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça si vous désirez le salut, voilà la voie du salut. Restez ferme et restez droit et évitez de changer de couleur et d'être comme ceux qui changent de couleur comme des caméléons, et ça c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite ولذلك ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من جميل عباراته أنه قال إن المنكر كل المنكر أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف فإذا وجدت في نفسك شيئا من هذا فاعلم أنه قد أصابتك الفتنة وإذا وجدت أنك أصبحت تعرف أشياء كنت تنكرها ولا ترضاها ليس لأنها مسائل قد اتضحت لك الأدلة فيها لا إنما لهوى في نفسك ملت معه في إحدى المغريات الثلاثة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش إما في جانب الحكم والسياسات أو في جانب الأموال أو في جانب النساء انتبه فلربما قسمت ظهر داعية فتغير من ذلك الوضوح إلى الغموض فوجدته يلتفت يمنة ويسرة لأصحاب هذه الأشياء فما تجده في محافل أهل السنة ولا في ملتقياتها وإنما تجده مع كل صاحب هوى لأنه ترك الهدى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que parmi les belles paroles de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est qu'il disait que le mal, tout le mal, qu'est-ce que c'est? C'est de reconnaître ce que tu condamnais et de condamner ce que tu reconnaissais. C'est-à-dire que tu يعني reconnais ou que tu considères comme bon ce que auparavant tu condamnais, tu considérais que c'était mauvais, maintenant tu le considères bon, et ce que tu considères, ce que tu condamnais auparavant, tu le considères bon, ce que tu considères, yani ce que tu considérais bon, tu le condamnes maintenant. Donc ça veut dire ta conception, ta compréhension, elle s'est renversée à l'envers. Ta façon de voir les choses, ta façon de comprendre les choses, elle a été inversée. Ça prouve que tu t'es égaré. Ça prouve que tu as dévié. Le cheikh, il dit, si tu trouves en toi-même, tu regardes en toi-même que tu peux être décrit de la façon que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a parlé, que ce que tu dénonçais auparavant, maintenant tu l'approuves, et ce que tu approuvais auparavant, maintenant tu le condamnes, eh bien ça c'est la preuve que tu as été atteint par la fitna. Tu as été atteint par la fitna. Tu vois, des gens, avant, ils condamnaient les manifestations, maintenant ils les approuvent. Hein? Et plein de choses comme ça. Tu vois, avant, ils étaient d'une position claire sur la sunna. Puis d'un coup, tu les vois changer, commencer à défendre des choses contraires à la sunna. Tu te dis, mais comment ça se fait? Ces gens-là, ils étaient connus sur la salafia, sur la sunna. Et maintenant, ils défendent qu'est-ce qui est contraire à la sunna et à la salafia. Hein? Et il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, comme ça. Hein? Ils sont des victimes, hein, de leur passion comme ça. Et ils changent de voie, comme on a dit plus tôt, comme la girouette, selon la direction du vent. Ils entendent quelqu'un qui dit ça, et allez, ils sont atteints par la fitna. Une choubha leur passe par les oreilles ou par la tête, et ça y est, subhanallah, ils partent avec le vent. Hein? Ils ne sont pas capables de rester stables, ils ne sont pas capables de rester fermes. Hein? Ils se laissent avoir facilement. Alors que les choses qui sont claires dans la sunna, elles sont claires et ne changent jamais. La sunna, c'est la sunna. Les fondements de la sunna, c'est les fondements de la sunna. Les fondements de l'islam, c'est les fondements de l'islam, toujours les mêmes. Depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, les fondements seront toujours les mêmes. Donc qu'est-ce qui change? C'est les gens. Toi, suis pas les gens, suis les fondements et reste accroché. Et comme ça, tu vas pas dévier. Mais si tu te laisses aller à chaque fois que tu aimes quelqu'un, la personne, elle dévie, tu dévies avec. Mais ça, c'est pas la salafie. Ça, c'est parce que t'as pas compris les principes et les fondements. Tu suis par, soit parce que tu suis par ignorance, tu suis aveuglément quelqu'un, parce que tu l'aimes, hein, mais pas parce que t'as compris. Et ça, c'est pas correct. Tu dois pas suivre quelqu'un parce que tu l'aimes seulement, tu dois suivre quelqu'un parce que il est sur les fondements et les principes, et tu suis ces principes-là. Et tu l'aimes parce qu'il suit ces principes-là. Et non pas le contraire. Hein? Donc ça, c'est très important de le comprendre. On aime pour Allah et on déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc le cheikh dit, si tu trouves qu'en toi-même tu te décris comme qu'est-ce que Abdullah ibn Mas'ud a dit dans cette parole, alors tu as été atteint par la fitna, parce que qu'est-ce que tu maintenant tu acceptes des choses que tu condamnais auparavant et que tu n'acceptais pas auparavant. Hein? Et c'est pas parce que c'est des questions sur lesquelles on t'a clarifié les preuves. Là, c'est autre chose. Si tu changes d'opinion, de position parce que auparavant tu ignorais les preuves et qu'on te les a clarifiées, on t'a montré les preuves, là tu changes d'opinion. Là, ça c'est correct. Mais si c'est uniquement parce que tu suis ta passion et que tu veux aller avec ta passion, ou bien à cause des trois choses qu'on a mentionnées au tout début de cette conférence, que les mouchriquins de Quraysh avaient offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple les questions de pouvoir et de politique, ou les questions économiques d'argent, ou bien la fitna des femmes, que tu commences à changer de position à cause de ces choses-là, alors là, fais attention. Fais attention, hein, parce que beaucoup de gens, ils se sont cassés le dos avec ce genre de choses-là. Tu vois des gens qui étaient connus, des du'ats, des gens qui appelaient à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils étaient dans la clarté, et ils ont changé leur da'wa pour une da'wa qui est ambiguë, qui est floue, qui n'est pas claire, hein, à cause de ces fitanes, à cause de ces choses-là. Maintenant, tu le vois commencer à aller à gauche et à droite. Hein. Il ne veut pas rester sur la clarté. À cause des gens qui ont été tentés par l'argent, par le pouvoir, par les femmes ou des choses de ce genre. Et donc, tu le vois qu'auparavant, il était avec les gens de la sunna et il se réunissait dans les rassemblements des gens de la sunna. Maintenant, il ne fait que se rassembler avec les gens de la bid'a et les endroits où les gens suivent leur passion. Il ne fait que suivre la passion et abandonner la guidance, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Muhammad, le verset 14, est-ce que celui qui est sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à celui à qui on a embelli le mal de ses actions et qui suit ses passions, qui suivent leurs passions? Est-ce qu'on peut comparer les deux? Donc le cheikh dit walidhalika ilzim al-haq. فما أكثر من يستشهد بالقرآن وهم يتركون السنة ويستشهدون بذلك ليستدلوا على ما هم عليه من الباطل والسنة مبينة للقرآن وموضحة لما فيه ومبينة لأحكامه فالحق واضح بل ما من صاحب باطل يتلاعب بالأدلة ويحتج بها إلا وكانت حجة عليه ومن جميل عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يقول كلمة عظيمة يقول ما احتج صاحب بدعة من الكتاب والسنة إلا جعلت حجة عليه لا له لا حجة له. Le cheikh il explique que il dit c'est pour ça ensuite que tu dois rester sur la vérité. Et tu vois que les gens maintenant, parmi les gens de Bid'a en particulier, ils cherchent à prendre les preuves du Coran, mais ils laissent la Sunna. Ils prennent des versets dans le Coran pour justifier ce qu'ils veulent faire, qui sont des versets parfois qui sont, disons, généraux, des versets qui parlent de choses qui sont générales, et ils laissent les preuves de la Sunna qui sont spécifiques. Hein, et qui clarifie les verdicts qui sont reliés à ces versets-là. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent avoir de la marge pour pouvoir se permettre de justifier et d'accepter, de faire accepter aux gens tout ce qu'ils disent avec des versets comme ça qui sont globales et générales. Hein. Et c'est ça ce qu'ils font. Hein. Et comme tu vois les gens qui veulent parfois justifier les manifestations ou des choses comme ça, puis qui vont mentionner dans le Coran les versets qui ordonnent d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et qui veulent utiliser ça comme preuve pour justifier par exemple les manifestations ou des choses comme ça, alors qu'il y a des versets, d'autres versets et des hadiths spécifiques qui clarifient qu'on n'a pas le droit de faire ces choses-là, et qui sont clarifient les limites de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, et que de se révolter contre les dirigeants, c'est pas permis. Parce que ce sont des musulmans, et ainsi de suite. Avec les détails qu'on connaît, qui sont expliqués et clarifiés dans les paroles des ulama d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Hein? Donc, ça c'est des exemples. Donc, le Coran, on le prend comme preuve, mais il faut comprendre aussi que la Sunna, elle clarifie le Coran. Elle clarifie les règles du Coran. Donc, le cheikh dit, la vérité, elle est claire. Et il n'y a pas une personne qui est sur le faux, parmi les gens de l'égarement, qui veut jouer avec les preuves de la révélation, et qui veut essayer de les utiliser comme argument pour lui, pour défendre sa bid'a, pour défendre sa fausseté, excepté que cette preuve-là, c'est une preuve contre lui. Donc, si tu regardes les preuves et les arguments qu'il ramène, tu vois que c'est une preuve et un argument qu'il ramène qui est contre lui. Comme l'exemple de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est une des belles paroles qu'il disait, une grande parole, qui disait que chaque fois qu'un individu qui est sur la bid'ah, il ramène une preuve du Coran et de la Sunna, il n'y a pas une fois qu'il fait ça, excepté que cette preuve-là, elle est contre lui. Que c'est une preuve qui est une preuve en réalité qui est contre lui. Hein? Et le cheikh dit ولو تأملت في هذا القول لوجدت غاية الثواب في هذه العبارة لماذا لأن الحق لا يحتج به في الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولا يمكن أن يحتج بصاحب الاستدلال على باطل فإذا أتى النور تجلت الظلم وتجلت الظلم وهكذا وضوح الحق بل لو اشتدت الفتن إن الشمعة لترى من بعد لما فيها من ضوء ونور ووضوح وضياء فهي واضحة مهما اشتد الظلام أثبت أيها السني أثبت على الحق فهذا الوضوح ابتلاه وإياك والتلون وإياك وكثرة الوجوه إياك والتلون فوضوحك يختصر الطريق على ملتقي يختصر الطريق على ملتقي الله المستعان. فيستفيد لأنه وجد لغة واضحة، لغة صادقة عام وعامة. أصحاب البدع أهل التلون ليسوا أهل وضوح، يخفون طرحهم، يخفون كتبهم، يخفون عقائدهم، يخفون أمورهم، لا يستطيعون أن يظهرونها. وصاحب الحق واضح في عقيدته، واضح في عبادته، واضح في منهاجه، واضح في كلمات في كلام في كلماته، واضح في مكتوباته، واضح في مجالسه، واضح في مخالطته للناس. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس هناك صاحب عناء يأتي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويرجع منه إلا وقد تغير الوجه الذي أتى فيه، فاستجاب للحق من لقاء واحد ومن مجلس واحد. وأصحاب الباطل لربما جلس معهم مجالس كثيرة ولم يعلم ماذا يريد هذا. فدع منك أهل التلون. Donc le cheikh il dit, et si tu médites sur cette parole qu'on a mentionnée de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah auparavant, eh bien tu vas réaliser que c'est une parole qui est exacte et qui est vraie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas utiliser la vérité pour défendre le faux. C'est impossible. On ne peut pas se baser sur la vérité pour défendre le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 81 dans surat al-Isra, dit « La vérité est venue et le faux est disparu ». Et le faux, c'est certes ce qui disparaît. Il n'est pas possible pour quelqu'un de ramener une preuve pour défendre la fausseté en se basant sur le Coran et sur la Sunna. Il ne peut pas défendre le faux en se basant sur ces choses-là. Et donc, il dit, parce que la vérité, lorsqu'elle vient, c'est comme une lumière. Et la lumière dissipe les ténèbres. Et donc, c'est comme ça la clarté. Même si les fitanes sont nombreuses, eh bien, la vérité, elle vient et yani, elle est comme une lanterne qui éclaire de loin. On voit sa lumière, on voit sa clarté, même s'il y a des ténèbres épais. Donc, reste ferme, ô toi le sunni, reste ferme sur la vérité. Reste ferme et la clarté, c'est une épreuve. Donc, fais attention d'essayer de ne pas être comme le caméléon qui change de couleur et fais attention devant les gens, devant les visages des gens, ne pas essayer de changer pour essayer de faire plaisir aux gens qui te regardent et qui t'écoutent. Parce que ta clarté, c'est quelque chose qui t'amène directement vers ton objectif et qui te raccourcit ton but et ton objectif. Et donc, en utilisant cette voie et en suivant cette voie, eh bien, tu arrives à qu'est-ce qui est bénéfique pour toi. Et également, celui qui t'entend parler avec un langage clair, eh bien, il trouve un langage qui est clair et véridique. Et donc, il accepte de toi. Mais en général, les gens de Bid'a, ce sont des gens caméléons. Ce sont des gens qui ne sont pas clairs. Et ils cachent ce qu'ils veulent. Ils cachent leur discours, il n'est pas clair, il est ambigu. Ils cachent leurs livres. Parfois, tu vois, ils veulent pas que les gens sachent qu'est-ce qu'ils ont comme livre. C'est qui les gens qui, les livres de qui ils lisent, c'est qui leur référence, ils veulent pas que les gens sachent c'est quoi leur aqida, c'est quoi leur croyance. Ils cachent beaucoup de choses aux gens, ils sont pas capables de les montrer ouvertement, de les montrer de façon claire et ouverte. Tandis que la personne qui est sur la vérité, il est clair dans sa aqida, il est clair dans son adoration, il est clair dans sa méthodologie, dans son manhaj, dans sa voix, il est clair dans ses paroles, il est clair dans ce qu'il écrit, il est clair lorsqu'il s'assoit et qu'il discute dans les assemblées, il est clair avec les gens avec qui il se tient, avec les gens qu'il fréquente, avec ses fréquentations, il est clair. Il ne se tient pas avec des gens puis avec d'autres par la suite qui sont sur une autre voie. Il reste avec les gens de la vérité. Et notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. C'est pas quelqu'un qui cachait quoi que ce soit, ou qui avait un double langage, ou un double visage, ou des choses de ce genre. C'était pas comme les gens qui font la da'wah aujourd'hui, qui agissent comme des politiciens avec les musulmans. Allahul Musta'an. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand des gens venaient vers lui, ils voulaient savoir des choses sur l'islam, ils avaient des questions, ils avaient des choses qu'ils ne comprenaient pas, comme on a dit au début, ils venaient avec un visage et ils repartaient avec un autre visage. Ils étaient contents, ils étaient convaincus, ils avaient accepté la vérité qui venait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après une seule rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça leur suffisait. De rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule fois, c'était suffisant pour eux. Alors qu'aujourd'hui, des fois, tu vas t'asseoir avec des gens du mensonge et de la fausseté, tu vas t'asseoir avec eux pendant des années, pendant très longtemps, et jusqu'à la fin, tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il veut. C'était quoi son but, hein? Donc fais attention aux gens qui font les caméléons avec les gens. وكما يقال بعبارات العصر إن الشفافية مطلوبة وبمقابل الشفافية الضبابية التي أصبحت فقها جديدا يمارس بتمرير الأمور لماذا مراعاة لمصالحه الشخصية وأموره النفسية وقضاياه الاجتماعية وما علم أنه إذا قال الحق أيده الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إنا كفيناك المستهزئين وما علم أن الله ناصر من كان معه وإن جندنا لهم الغالبون وما علم أن الله معه وإن تخلف فإنه مخذول وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ فَالْوُضُوحُ مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ. Donc le cheikh il explique, il dit, comme on dit dans les expressions contemporaines, qu'est-ce que les gens disent, la transparence est nécessaire. La transparence est nécessaire. C'est quoi la transparence? C'est-à-dire t'es clair, t'es tellement clair qu'on voit à travers toi, c'est, hein, t'as rien à cacher, Yann. Tu caches rien. Ta da'wah, c'est ta da'wah. Hein? C'est la da'wah du Coran et de la Sunna. Si on te demande c'est quoi ta da'wah, tu dis ma da'wah, c'est la da'wah du Coran et de la Sunna selon la compréhension des salafs salih. Il n'y a pas un agenda caché. Il n'y a pas un agenda caché, un programme caché, un programme secret, hein? Un groupe secret avec une bay'a cachée, une bay'a secrète à un chef. Secret que seulement certains initiés connaissent. Parce qu'il y a des groupes comme ça. Des groupes secrets seulement, des gens choisis qui rentrent. Hein? Certains individus choisis. Et des fois tu les vois ces gens-là, tu ne sais pas pourquoi, mais d'un jour à l'autre, ils changent de position comme ça. Pourquoi? Parce que leur amir leur a dit, mais maintenant on agit comme ça, maintenant on fait ça. Toi, tu le sais pas, parce que eux, ils ont leur bay'a. Ils sont cachés. Ils ont donné l'allégeance à une personne qu'ils ont choisie. C'est lui leur chef. C'est lui leur amir. Et c'est ça, les groupes secrets qui existent maintenant chez les musulmans, Allah Musta'an. Parmi les jama'at, as-sirriya, les groupes secrets. Ils agissent comme les francs-maçons, hein, à l'intérieur des musulmans. Nasallallahu ala afiya. Et ils propagent leurs égarements de cette manière, hein. Ça, c'est pas al-wudouh. Ce n'est pas la clarté, ce n'est pas la voix du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, il faut avoir la transparence. Il n'y a pas de langage de, yani, comme ils font aujourd'hui au nom de la politique. C'est devenu une nouvelle forme de fiqh que certains essaient d'utiliser. Pourquoi ils utilisent ces nouvelles méthodes de diplomatie dans la da'wah? Et de nouvelles attitudes dans la da'wah, ils changent de discours pour plaire aux gens, pour défendre leurs intérêts personnels. Pour défendre leurs intérêts personnels au nom de l'islam, au nom de la da'wah. Hein? Pour régler leurs problèmes personnels, hein? Et pour des questions sociales ou autres. Donc le cheikh, il dit, ne savait-il pas celui-là que s'il avait défendu la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait supporté? Et l'aurait défendu contre les gens. Hein? Et il mentionne le verset 95 dans Surat al-Hijr, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous suffire, hein? Et c'est lui qui est l'audient et l'omniscient. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. On vous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit par rapport à ceux qui se moque et qui essaie de se moquer du prophète sallam ou de l'islam ou des règles de l'islam. Et le verset 173 dans surat As-Saffat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que nos armées, c'est eux qui sont qui auront le dessus, c'est-à-dire l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les mu'minoun, c'est eux qui auront le dessus. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire. Et ne savent-ils pas que celui qui s'éloigne de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne respecte pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va le remplacer par d'autres, va l'humilier, va l'abandonner, celui qui ne se tient pas sur l'ordre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et s'il se détourne, il va vous échanger par d'autres que vous, et ils ne seront pas comme vous. Ça s'applique à nous tous. Que si on ne s'accroche pas à l'ordre d'Allah, et qu'on n'établit pas l'ordre d'Allah tel que Allah nous ordonne de le faire, il va amener d'autres personnes qui ne seront pas comme nous et qui vont établir la religion d'Allah, comme Allah nous demande de le faire. Et c'est ça la clarté, c'est ça le manhaj al-Nubuwa, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il termine ici avec cette parole, et c'est ainsi qu'il termine sa conférence, et il dit « Wa liyukmil ustazuna wa shaykhuna » الشيخ صالح ابن سعد السحيمي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وموجه الدعاة بالمدينة وفقه الله وسدده. Donc le cheikh il dit, maintenant je laisse la parole à notre professeur, à notre cheikh, le cheikh Salih Suhaimi, qui était préalablement le directeur de la section de Aqida à l'université islamique de Médine, qui est professeur à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui oriente les du'ats pour la région de Médine. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le succès et le supporte dans ce qu'il dit. Et la suite, donc, c'est la conclusion de cette conférence avec justement les clarifications et les paroles de Cheikh Salih al-Suhaimi au sujet de la conférence du Cheikh Ramzan. Ça, on va le lire, inshallah, demain, après le Zuhr, dans l'intervention de demain, bi'ithnillah. Donc, on s'arrête ici. Inshallah, subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.